déserter la classe, d'aller faire une balade jusqu'au bistrot d'en face. Devant une tasse de café noir, ils se lançaient des regards qui accrochaient le temps et l'espace. Ils s'aimaient déjà, rien ni personne ne les séparera. Cet amour amitié mêlé, que les années ne peuvent pas voler, les peurs à traverser la vie. Jusqu'à l'éternité. Tandis qu'ils se découvraient l'un à l'autre, yeux dans les yeux, côte à côte, enlacés dans les fleurs et les herbes hautes, ils durent oublier le lycée et la chimie, tout délaisser pour l'enfant qui vint à s'annoncer. Il aimait déjà, rien ni personne ne les découragera. Cet amour amitié mêlé, que les années ne peuvent pas voler, les peurs à traverser la vie. Jusqu'à l'éternité. Depuis, ils ont connu des épreuves, avalé des vipères, des couleurs, défié l'enfer et les œuvres du temps. Tout seuls, ils ont tenu bon en face du feu et de ses menaces. Ils ont un sourire au cœur que rien ne lasse.